بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله الحديث 34. Aujourd'hui ce sera le 34e hadith. 34e hadith. Qui lui se rapporte à l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et l'importance qui s'en rapporte dans la religion, et que cela fait partie des fondements primordiaux de cette religion. فقال قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc il dit, après avoir cité la chaîne de narration, que le premier qui a fait la khutba avant la salat pour le Eid, qui est une bid'a, le premier à l'avoir instauré, c'est Marwan, qui était l'un des gouverneurs. Donc de là, un homme vint pour le blâmer, pour le dire, c'est d'abord la salat et ensuite la khutba, comme cela est connu. Et Marwan lui répondit, cela n'existe plus. Du moins, cela a été délaissé. Hein, cela a été délaissé. Alors, Abu Sa'id al-Khudri, a dit, à ma compte à celui-ci, il a certes accompli son obligation. C'est-à-dire en parlant de cet homme qui avait fait la remarque à Marwan. Lui, il a rempli son obligation. Car il dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change par sa main, et que s'il ne peut pas alors qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas alors dans son cœur, et cela est le plus bas niveau de la foi. D'abord savoir al-amru bil ma'ruf wal-nahi 'anil munkar. Al-ma'ruf à la base c'est un ism maf'oul du verbe arafa ya'rifu, qui veut dire connaître. Et là, ma'ruf, c'est une chose connue. C'est-à-dire, ma'ruf, kullu ma'rufin fi din bid-daroura wal-shari'a. C'est-à-dire, les choses qui sont reconnues comme étant bonnes de la religion, hein, et par l'instinct naturel. Il faut y appeler. Wal-munkar, an-nahi an-munkar, munkar, c'est ism maf'oul du verbe ankara yunkiru. Du verbe ankara yunkiru, qui veut dire blâmer, réprimander, ainsi de suite. Et que ce amr bil ma'ruf wal nahi munkar, vous ne trouverez aujourd'hui dans les religions que chez les musulmans. Comme cela viendra, il est certain que les juifs, eux, l'ont abandonné, d'où le châtiment qu'ils ont subi, comme les preuves l'ont éclairci. Et les chrétiens, eux, marchent sur la règle que vous savez qu'on a déjà parlé, qui est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc de là, tout le monde fait ce qu'il veut. Un machin de muslimine, cela reste établi et effectif, et cela est un point primordial sur lequel se base l'intérêt de la communauté. Car si cette action était délaissée, c'est-à-dire le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, cela amènerait à de fâcheuses conséquences et qui nous amènerait à subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Ashir, Hafizahullah ta'ala, وما لوانك أن يقدم خطبة العيد وهي عبارة عن موعظة حتى من أراد أن يسمعها يسمعها ومن أراد أن ينصرف فله أن ينصرف كان يقدمها من أجل أن الناس ينتظرون الصلاة لزاما لأن صلاة العيد واجبة على كل ظاهرية وهو الصحيح للأمر بها فيسمعون ذلك السب في الصحابة ولو أنه صلى وقام يخطبوا ويسب أهل البيت لينصرفوا وتركوه فلهذا قدم الخطبة حتى يسمعوا ثم بعد ذلك يصلي بهم وهو أول من أحدث إخراج المنبر وأخرجه له كثير من السلط وخطب المنبر للعيد وهو أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة وعلى هذا فإخراج المنبر إلى المصلى للعيد والخطبة عليه من المحدثات مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que Marwan, ce gouverneur, est le premier. Il est le premier qui a fait devancer la khutba sur la salat Yom al-Eid, le jour du Eid. Car l'obligation à la base est de faire la salat, ensuite de faire la khutba. Car la salat est obligatoire et la khutba, elle ne l'est pas. Et comme justement la khutba, c'est un sermon pour qui veut l'entendre. Et que celui qui veut s'en aller, il peut s'en aller. Et lui, Marwan, a délibérément fait devancer la khutba sur la salat afin que les gens restent et écoutent ce qu'il avait à dire pour pouvoir ensuite accomplir cette salat qui, elle, est obligatoire. Comme est la parole du Mazhab Zahriya. Et cet avis est le plus correct, que la salat est obligatoire. Comme ça, il contraint les gens à rester et à écouter ses insultes envers les sahaba et envers les gens de la maison prophétique. Car si jamais il avait fait la khutba en premier, la salat en premier, qu'est-ce qui se passerait? Ben, les gens s'en iraient directement après la salat pour ne pas avoir entendu justement ses insultes et ses offenses. Et également, il est le premier à avoir innové le fait de sortir le minbar pour faire la khutba dessus, Yom al-Eid. Car à la base, le minbar n'est pas à sortir. Cela n'existe pas, n'a pas de fondement dans la religion. Et cela contredit la voix du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال وقد جاء في بعض طرق الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه خرج محاضرا لمروان يعني بجانبه فلما قرب من المنبر أراد أن يصعد فجذبه أبو سعيد فقال إنه قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد فقال إنما أعلم خير مما لا أعلمه وأبو سعيد في ذلك لم يخرج ولم يسبب ثورة ولم يسبب فتنة وإنما أراد أن يبين له السنة في هذا الأمر. Donc il dit, dans une autre version, il est venu que Abu Sa'id, lui, se rendit auprès de Marwan et se mit à côté de lui, proche du minbar. Et lorsque Marwan voulut monter sur le minbar, il le retint pour lui dire. Yanni pour lui faire comprendre que c'est d'abord la salat et ensuite ensuite la khutba. Donc l'Amarwan lui dit, ce que tu as connu au Abu Sa'id est déjà fini. Et ça te révolue. Et Abu Sa'id lui dit, ce que je sais est meilleur que ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que le fait qu'il sache qu'il faut faire devancer la salat est meilleur que ce que Marwan comptait faire. C'était là son objectif dans ses paroles. Et de là, Abu Sa'id n'a pas semé de désordre par la suite, n'est pas sorti sur le gouverneur et n'a pas fait de trouble. Il lui a juste fait un inkar, hein, billisan. Il lui a fait un blâme par la langue, de façon posée, de façon calme. Cependant, il lui a dit ce qu'il avait à lui dire. Et après cela, Marwan n'a pas accepté. Ce n'est pas pour autant qu'Abu Sa'id s'est mis à soulever les gens contre lui et à vouloir sortir contre lui. عكس من إذا لم يرضى بولي الأمر شيئا وقال الخروج الخروج وبعض الناس يقيم الدنيا ويقعدها على شيء الواقع أنه لو أنكره سلم. Et là, c'est tout cela contrairement à ce que des gens font aujourd'hui. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits du gouverneur, ils sortent sur eux. Hein, ils retournent toute la dunya. Tout ça pourquoi ? Du simple fait qu'ils ne sont pas d'accord avec les agissements du gouverneur. Et il faut savoir, c'est que si jamais il avait simplement blâmé, cela aurait été une préservation pour lui. C'est-à-dire celui qui est mécontent de ce qu'il voit, le blâme de façon légiférée, cela est une préservation pour lui. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي إِنْكَارُ الْمُنْكَلِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ. Donc ce hadith contient le fait de blâmer le Bamab sur trois étapes. المرتبه الاولى انكار المنكر باليد لمن استطاع انكاره باليد فهو واجب عليه وان لم يستطع انكار باليد انتقل الى المرتبه الثانيه. Donc il dit la première étape, premier échelon, c'est le fait de blâmer, de réprimander le blâmable par la main pour celui qui en a la capacité, et que cela est obligatoire. S'il peut le faire, il doit le faire. Et que s'il ne peut pas, alors ensuite, il passe à la deuxième étape. Comme a dit, al-martabatu thaniyatu wa hiya inkaruhu bil-lisan. La yu'zaru in kana qadiran ala inkari bil-lisan. Donc c'est le fait qu'il blâme par sa langue, par le parler, et qu'il n'a pas d'excuse s'il en est capable. Ensuite, al-martabatu thalithatu inkaruhu bil-qalbi wa la 'udhra li ahadin fi dhalika. فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ خَاصٌ بِالْقُلُوبِ فَيُمْكِنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْكِرَ هَذَا الشَّيْءِ. Donc il dit la troisième étape, c'est qu'il le blâme par son cœur. Et qu'il y a cela est inadmissible pour personne de délaisser cette étape. Le fait de blâmer dans son cœur. Car cela à la base est une chose qui est spécifique au cœur. Et d'ailleurs, de toute façon, les autres étapes sont bâties toutes les deux également sur le fait de blâmer cela dans son cœur. Car comment blâmer par sa main si ce n'a pas commencé par le cœur ? Comment blâmer par sa langue si cela n'a pas commencé d'abord par le cœur ? Donc la base de toute chose vient dans le cœur. Donc il dit فَيُمْكِنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْكِرَ هَذَا الشَّيْءِ وَلِلْضَعِيفِ وَلِلْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُنْكِرَ هَذَا الْمُنْكَرِ. لا يعذر احد في انكار المنكر بقلبه والمنكر. Donc il dit la femme peut le faire, le faible peut le faire, le pauvre et le démuni peuvent le faire, chacun peut le faire, c'est-à-dire réprimander le blâmable par son cœur, et personne n'a d'excuse à délaisser cela. والمنكر تغييره على مراتب. فقد يكون تغيير المنكر يؤدي لأنكر وفي هذه الحال لا يجوز تغييره فإنه يؤدي إلى الضرر الأكبر وقد يؤدي إلى منكر مماثل وهذا موضوع اجتهاد والصواب أنه أيضا إنكاره في هذه الحال تضييع جهود بعد التعب ومشقة ويعود الأمر كما كان فلا فائدة فيه. Donc il dit que le fait de blâmer, de réprimander le blâmable par la main, cela également le fait de réprimander le blâmable, cela également est par échelon, que le fait de blâmer ce blâmable peut amener à des conséquences plus graves. Donc à ce moment-là, il n'est pas permis de blâmer le blâmable, car tu y amènerais à des actes, à des plus mauvaises conséquences. Également, que blâmer le Bamab, cela peut t'amener à une étape qui est équivalente. C'est-à-dire, la situation ne change pas. Que tu veux changer un blâmable, mais qu'après que tu aies accompli, on va dire, les causes, qu'il n'y ait eu aucune différence. La situation n'a pas changé, elle est restée la même. Donc là, chez les savants, c'est un sujet à ijtihad. Est-ce qu'il doit le faire ou est-ce qu'il ne doit pas le faire? Et le shir voit, lui, qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien de le faire, car tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué et subir des calvaires pour pas grand-chose, car il n'y aura pas de résultat positif à la fin. Rien du tout. وبعض الناس يقول في هذا الحديث إن التغيير المنكر باليد خاص بولي الأمر، وهذا فهم ليس عليه دليل. فإن مثلا تبرجت امرأتك تذهب إلى ولي الأمر وتمسك على بوابتي عند المحكمة وتقول يا ولي الأمر امرأتي تبرجت ولم ترضى أن تتحجب، فأنت بين أمرين، إما أن تلزمها كلكم راع ومسؤول عن رعيتي، وبين أن لم تطيعك في ذلك واستمرت على معصية الله فإمساك بمعلوف أو تصريح بإحسان. هذا ما هو الصحيح. التغيير باللسان قالوا هو خاص بالوعاظ والخطباء، وهذا أيضا ما هو خاص بهم. فالدين واجب للجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده. Donc il dit certaines personnes ont malheureusement interprété ce hadith d'une compréhension erronée, qui est que le fait de blâmer, de réprimander le blâmable, de l'interdire, cela ne revient qu'aux autorités mises en place par les gouverneurs. Et il dit par exemple, toi si ta femme venait à vouloir se dévergonder, est-ce que tu vas aller au tribunal pour te plaindre d'elle en disant « Oh, ma femme ne veut pas m'obéir ?» Et la solution est simple, comme il dit Shir. Là, tu appliques la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit « Soit tu la gardes de façon convenable, ou soit tu la laisses partir avec bienfaisance. » C'est-à-dire, ou tu la gardes, ou tu la divorces. Mais dans les règles. C'est tout. Il n'y a pas à aller voir le gouverneur ou je ne sais pas qui, parce que ta femme ne t'obéit pas. Ça, c'est une chose qui te revient à toi. Et également, ils disent que le fait de changer le blâme, de réprimander le blâmable par la langue, cela revient à qui ? Aux sermonneurs, ceux qui font les khutbah, ou ceux qui font les muhadara, ce genre de choses. Il dit ça aussi, c'est pas vrai. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ra'a minkum munkara » ou « Man » dans le sous le fiqh, c'est un mot « min alfaz al-umum ». Ce sont les termes employés pour les généralités, c'est-à-dire qui englobent tout le monde. Tant qu'il n'y a pas une chose qui est venue spécifier des gens en dehors d'autres, quand on dit « Man yafal kaza », c'est celui qui fait telle chose, ça englobe tout le monde. Tout le monde est concerné par ces paroles. Et il n'y a pas eu d'autres preuves qui sont venues pour un tarsis, c'est-à-dire pour démontrer des limites, dire que lui peut le faire, lui ne peut pas le faire. Donc l'origine du hadith, c'est qu'il concerne tout le monde, hein, en mesure, chacun en mesure de ses capacités. Et également, en prenant la compréhension de ces personnes-là qui disent que le fait de blâmer, de réprimander le blâmable par la langue, cela ne revient qu'au sermonneur, ça veut dire demain, quelqu'un il est devant toi, il parle mal, tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux pas lui dire « Taqillah, hadha lafz ma yajouz ». Quelqu'un par exemple dit des vulgarités, ou il insulte les gens, ou il tient des propos peu décents, ce genre de choses. Celui-là, on n'a pas le droit de lui parler. Il faut attendre qu'il y ait un imam qui vienne, qui passe une khutbah pour lui parler. Non, on lui dit « Ya akhi, taqillah ma yajouz hadha al-kalam ». Ou quelqu'un se trompe dans un sujet scientifique ou quoi, celui qui a les preuves, qui peut le démontrer, qu'il le fasse. Donc cette compréhension de mettre chacun à son rang là-dedans, de façon absolue, cela n'est pas vrai. Par rapport au hadith, cela n'est pas vrai. Il dit, فَتَغْيِرْ مُنْكَرِ فِي خَيْرٌ كَثِيرٌ الْمُجْتَمَعِ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ لُعِنُوا بِعَدَمْ تَغْيِرِ الْمُنْكَرِ قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Donc il dit que le fait d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, cela contient un grand bien pour la société. Une communauté des fils d'Israël ont été maudits pour leur abandon de cette recommandation, qui est le fait d'ordonner au convenable et d'interdire le blâmable. Comme Allah s'en dit dans le sens, furent maudits ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Issa ibn Maryam, pour ce qu'ils commettaient comme désobéissance et comme animosité. Ils ne s'interdisaient pas de blâmable qu'ils faisaient, quelle mauvaise chose qu'ils faisaient. Dans le sens. Wa qala ta'ala, wa ya'muruna bil ma'louf, wa yanhauna 'anil munkar. Il dit qu'ils ordonnent les convenables et interdisent le blâmable. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. فَقَدْ كَرَّنَ اللَّهُ الْفَلَاحِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْلُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a certes lié là maintenant entre la réussite et le fait d'ordonner au convenable et d'interdire au blâmable. Cela amène à la réussite. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Donc il dit dans le sens, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et ils accomplissent la salat, ils s'acquittent de la zaka, ils obéissent à Allah et à son messager, cela, Allah leur fera miséricorde. Donc Allah subhana, Allazina in makannahum fil ard, aqamu salat wa ataw zakat. Wa amaru bi ma'louf, wa nahu an munkar, wa lillahi akibatul umur. Et ceux, si nous leur donnons le pouvoir sur terre, ils accomplissent la salat, ils s'acquittent de la zakat, et ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et c'est certes Allah la fin de toute chose. Donc là, regardez, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit également, parmi les attributs des croyants, l'alliance, hein, et l'ordre au convenable, et l'interdiction du blâmable. L'application de la salat, l'acquittement de la zakat, et l'obéissance à Allah et son messager. En vue de quoi? D'obtenir la rahma d'Allah. Cela également, ce hadith est parmi les preuves irréfutables que les actes font partie intégrante de la foi. La foi, comme cela est connu chez Madhab al-Sunnati wal-Jama'a, wa al-qawlu bil-lisan, wa l'artiqadu bil-qalb, wa l'amal bil-jawarih, wa l'amal afwan bil-jawarih. Que c'est le fait de le prononcer par la langue, par attestation, le fait de l'avoir dans son cœur, comme croyance, comme conviction, acceptation, et le fait d'agir par les membres. Et ce hadith, lui, est une preuve en cela. Contrairement aux Murji'a, qui eux, prétendent que les actions ne font pas partie de la foi. Et ce hadith-là, et ainsi que ces versets, sont des preuves contre eux, qui démontrent cela. Tant même. Fallahu خول أولياء الأمور لهذا الشأن لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إقامة الحدود وأمن البلد والطرقات ورعاية مجتمعاتهم وهكذا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a confié le pouvoir au gouverneur pour cette raison, pour l'ordre au convenable et l'interdiction du blâmable, et pour appliquer les sentences, les peines, et pour sécuriser les pays et les lieux de passage, et les chemins. Et pour prendre en charge les gens qui sont sous leur autorité. Car chacun est responsable de son troupeau. Wa qala alayhi salatu wa salam, kama fi hadith ibn Mas'ud, inda l'imam muslim, ma min nabiyin illa kana lahu hawariyuna wa ashabu, ya'khuzuna bi sunnatihi, wa yaktadawna bi amrihi, thumma yakhrufu min ba'dihim khurufun, يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela fut rapporté par Ibn Mas'ud, qu'il n'y ait pas eu de prophète sans qu'il n'ait eu, comme ils disent, des apôtres. Hawariyun sera des apôtres, des notables autour de lui, et des compagnons qui suivent sa sunna et marchent sur ses traces et sur son ordre. Ensuite, après eux, succèdent des générations qui disent ce qu'ils ne font pas et qui font, il y en a qui ne suivent pas l'ordre qu'ils appliquent sur les autres. Donc celui qui les combat par sa main est un croyant. Celui qui les combat par sa langue est un croyant. Et celui qui les combat par son cœur est un croyant. Et qu'il n'y a rien derrière cela comme niveau de foi. Donc là, regardez encore ce qu'il dit. Que cela amène à quoi? À ce que les actes font partie de la foi. Par contre, il faut dire une chose, que l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a dit lorsqu'il dit dans ce hadith, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِي فَوَا مُؤْمِنُ. Celui qui les combat par sa main, c'est un mu'min. Cela n'est pas une incitation à sortir contre le gouverneur. Non. Car tu n'es pas obligé de sortir contre eux pour pouvoir blâmer le blâmable. Ce n'est pas obligatoire, cette façon de faire. Elle est même interdite à la base. Car des gens prennent ce hadith comme preuve de sortie contre les gouverneurs. Lorsque ceux-ci n'appliquent pas ce qu'ils disent, ou n'appliquent pas ce qu'ils leur ont ordonné en religion, alors les gens disent « Faman jihadu biyadi fa mu'min » Celui qui les combat par sa main est un croyant. Et de là, ils sortent contre eux. Non, ce hadith n'est pas comprendre de la sorte comme l'a dit l'imam Ahmed. Car le jihad biyad, mayalzam el khuruj, le fait de combattre par la main n'implique pas forcément une sortie contre lui. Regardez ce qu'a fait Abu Sa'id al-Khudri. Quand Marwan a voulu monter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu son vêtement pour lui dire ce qu'il avait à lui dire. Et pourtant, il n'est pas sorti sur lui par la suite. Donc à bien comprendre le hadith, pour ne pas se faire duper et tomber dans ma la yuhmadu bih, les choses qui ne sont pas louables en religion. Donc il dit, wa qala Ubadatu radhiyallahu anhu, kama fi sahihayn, bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala sam' wa ta'ati fi al-'usr wa al-yusr wa al-manchat wa al-makrah, wa la an la nunazi' al-amr an la nunazi' al-amra ahla illa an taraw kufran wa bawahan 'indakum fihi min Allah burhan wa ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fi al-layl wa matal-la'im bay'ana bay'ahum. طيب. Donc il dit selon Ubada, comme cela est venu dans les deux authentiques, il n'y a plus de son. Il dit, nous avons prêté allégeance au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'écoute et l'obéissance, dans la difficulté comme dans l'aisance, dans ce qui est plaisant et dans ce qui ne l'est pas, et de ne pas discuter l'ordre à ceux à qui il a été confié, hormis si nous voyons une mécréance claire dont nous avons une preuve d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de nous dire la vérité où que nous soyons sans avoir peur d'être blâmés pour cela. De dire la vérité, quelle qu'en soit la situation. Donc il dit le shir, hafizahullah ta'ala, bay'ahum 'ala al-haqq wa 'ala al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Donc il leur a prêté allégeance, ils leur ont prêté allégeance sur la vérité et sur l'ordre convenable et l'interdiction du blâmable. وفي حديث النعمان عن البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثلكم استهموا على سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. Donc il dit, dans ce hadith, que l'exemple de celui qui applique les lois d'Allah est comme exemple de personnes qui seraient sur un bateau. Certains seraient au-dessus et d'autres en dessous. Et que ceux qui sont en dessous, à chaque fois qu'ils veulent s'abreuver, ont à monter au-dessus pour demander de l'eau à ceux de l'étage supérieur. Donc ils disent, ils ont dit, si jamais nous faisions un trou dans notre partie à nous, c'est-à-dire la partie inférieure du bateau, comme ça nous n'aurions pas à déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Donc de là, si jamais ceux d'au-dessus les avaient laissés faire, ils auraient tous péri, du fait qu'ils auraient trouvé le bateau et celui-ci aurait coulé. Donc cela est un exemple pour démontrer que celui qui laisse les gens accomplir du mal, même s'ils ne s'en rendent pas compte, cela mènerait à la perte de tout le monde, à la perte de tous. Et ce hadith lui-même est clair, son sens est clair. « Wa hadithun jamilun jiddan » فوالله إن من أسباب نجاة المجتمعات وسير الأمم على الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمم المتقدمة قد حصل لها بعدم أمره بالمعروف ما تعلمون. Donc il dit, il jure par Allah que parmi les sebeb, les causes de réussite et de secours pour les sociétés et la bonne avancée, le bon essor des communautés, c'est le fait d'ordonner au convenable et d'interdire le blâmable. Et vous savez déjà ce qui est arrivé aux communautés précédentes pour le fait qu'ils aient délaissé cela. Au fait hadith Salamata, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع يعني du hadith halak. Et cela est venu dans le hadith rapporté par Moussalama que celui qui déteste, c'est-à-dire le blâmable, c'est certes désavoué. Et celui qui l'a réprimandé a certes été préservé. Mais celui qui l'agrée et qui le suit, celui-là aura péri. فلا بد للمسلمين أن يحتسبوا الأجر عند الله وأن يقوموا بواجب إن كان المنكر بقدر ما يستطيعوا. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته يرى من يدخل المسجد ونعلاه فيها أذى ينكر عليه وينصحه وهذا من إن كان المنكر ويذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه ويرى رجلا متشبها بالكفار عفوا متشبها بالكفار فينصحه ورجلا حزبيا أو حلقيا أو مبتدعا كذلك ينصحه. Donc il est obligé au musulman, il est obligatoire de rechercher la récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu fais cet acte-là, t'en donner les convenables. Il faut que tu recherches en cela l'agrément d'Allah, sa récompense, et pas autre chose, car cela est très dur à accomplir. C'est une adoration qui est immense, qui est très dur à accomplir, qui demande d'avoir un bon niveau de foi et une fermeté en religion. Donc cela leur est obligatoire, qui blâme, qui réprimande le blâmable, en mesure de leur capacité. Par exemple, tu vois une personne qui rentre au masjid avec, sous ses chaussures, des souillures ou des saletés, par exemple. Alors, il doit le conseiller, par exemple. Ça, c'est une chose qui est simple et facile à faire. Là, on part dans le cas où les gens accomplissent la salat dans leurs chaussures. Car c'est une sunna à la base qui est affirmée. Cependant, à notre époque, elle est dure à appliquer, due à l'ignorance des gens. Et non pas due aux moquettes. Comme certains le disent, ce n'est pas par rapport à la moquette ou ce genre de choses. Non, cela est dû à l'ignorance. Car si tu rentres dans la mosquée, par exemple, avec tes baskets ou tes claquettes, les gens qui vont voir cela, les awam, ils vont faire un scandale. Ils ne vont pas accepter cela. Donc pas pour gagner les cœurs et ne pas faire fuir les gens de la darwa, cela est délaissé. D'accord, cela est délaissé de nos jours. Cependant, celui qui le fait et qui est en mesure de le faire dans une mosquée où cela est accepté ou quoi, alors qu'il le fasse. Car c'est une sunna fortement recommandée, malheureusement délaissée de nos jours. Donc celui qui voit et parmi les conditions de rentrer dans la mosquée avec les chaussures, il faut que ceci soit propre, bien entendu. Donc celui qui voit une personne qui rentre dans la mosquée, ses chaussures, il y a des déchets, des souillures. Pas forcément des najasses, pas forcément des impuretés. Cela peut être une chose, par exemple, de la terre mouillée, de la boue. Il lui dit, il lui fait comprendre la chose, il lui fait la remarque. Pour cause du hadith, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous rentre au masjid, alors qu'il regarde sous ses chaussures, qu'il vérifie sous ses chaussures, qu'il n'y a rien. Ou par exemple, tu vois une personne qui ressemble au koufar. Dans ses vêtements, dans son allure, tu le conseilles. Ou tu vois un qui se rase la barbe, tu le conseilles. Ou tu vois un moutadir, tu le conseilles. Mais attention, bien également s'assurer de la situation de la personne, savoir qui il est. Par exemple, demain, un débutant en islam, il s'est converti par exemple il y a quelques temps, c'est sûr qu'on ne va pas non plus lui tomber dessus pour sa barbe dès le début. Il faut d'abord lui faire comprendre le tawhid, l'iman, car cette barbe-là, n'est que le fruit de sa foi. Ça ne sert à rien de lui imposer des choses s'il n'a pas compris la source. Car il va faire que t'obéir et à la moindre épreuve, il va se raser. Donc non, il faut qu'il comprenne la source, les fondements, les bases. Et de là, tu le verras tout seul. Par exemple, voir tous les frères avec leur barbe, demander. Mais la barbe, c'est obligatoire, par exemple. Tu veux dire oui. Là, sur les hadiths, tu lui dis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait, au fulu hakum, laissez pousser vos barbes, ainsi de suite. Et là, il va dire, ah, d'accord. Et là, il va laisser pousser sa barbe. C'est pas dit, il vient de se convertir, tu lui dis, bon, maintenant t'es musulman, non, laisse ta barbe, te rase plus. Ça, c'est pas de la hikmah. Tu vas le faire fuir en faisant ça. Non, apprends-lui les choses. Apprends-lui l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprends-lui le tawhid. Apprends-lui qui étaient les sahaba. Hein? Et apprends-lui qui sont ses ennemis. Al-wala al-bara. Comme ça, il voudra ressembler aux gens qu'il aime et s'éloigner des gens qu'il faut détester. Et de lui-même, il le fera. Donc il dit, wa amma qawluhu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum. Dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, vous n'êtes responsable que de vous-même. hein, et que vous n'avez ne voudront point ceux qui sont égarés si vous avez pris la bonne voie. فالجمع بينها وبين الأدلة التي تقدم ذكرها أنه إن قام بالواجب الذي عليه ولم يقبل منه لم يقبل منه فبعد ذلك ليس عليه ضرر من معاصي غيره فعليه نفسه فإذا قام بالواجب من إنكار من الإنكار ورى الناس أعرضوا ولم يستجيبوا له فلا شيء عليه. Donc il dit le fait de lier entre ce verset et le hadith, c'est que celui qui aura accompli son obligation en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable, que si jamais les gens n'acceptent pas de lui, alors il n'y a rien à se reprocher. D'accord ? Il n'y a rien sur lui. Lui, il aura fait son wajib, et après, il n'a pas à attraper les gens et les forcer et leur faire la guerre. Cela dépend du mal qui est commis, bien sûr. Par exemple, demain, quelqu'un vient pour... Il y a des fois, il ne faut pas laisser les gens faire. Tu es obligé d'intervenir. Mais d'autres fois, par exemple, tu as conseillé une personne sur une chose mauvaise, par ta langue, il n'accepte pas, laisse-le. Toi, tu as fait ton wajib, alhamdoulilah. Tu n'as pas à le harceler. Hein, tu n'as pas à le harceler. Et à lui mettre des pressions. Ça ne sert à rien. Toi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait ton wajib, laisse-le. Et que ces gens-là ne tenueront en rien. Yaqulullahu ta'ala, fala tadhhab nafsuka 'alim khasarat. Dans le sens où il dit, ne sois pas pris de regret pour eux, c'est-à-dire des faits qu'ils n'ont pas écouté. Donc il dit, rappelle, car tu n'es là que pour faire le rappel, et tu n'es pas sur eux comme étant un oppresseur, pour leur imposer des choses. Yakbel al-sha'ni, wa yakum, wa yukim nafsa. Yakulullahu ta'ala, fastaqimu ilayhi wa staghfiru. Amma, donc il dit, la personne après avoir fait cela, il s'occupe de lui-même, hein, il s'occupe de sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tenez-vous droit et demandez-lui pardon. C'est-à-dire, toi, occupe-toi de toi en premier. Si les gens n'ont pas écouté, ce n'est pas ton problème après. Donc celui qui prend comme preuve le verset cité au début, qui est يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, qui prend ce verset comme preuve pour dire que il n'a pas à blâmer le blâmable ou à ordonner le convenable, cela est une chose fausse. Hein, une chose fausse. Car les gens prennent ce verset pour dire moi je m'occupe de moi, et les gens ils s'occupent d'eux-mêmes. Ce qu'ils font ne me nuit en rien. Naam, ça ne te nuit en rien. Du moins, ça ne te nuit en rien si tu le délaisses. Naam. Si tu délaisses le fait de leur interdire le blâmable et de leur donner le convenable, cela va te nuire. Comme cela est arrivé au fils de Bani Israël. Ou comme cela, et c'était dans le hadith du bateau, cela va te nuire. Ne pas croire que le fait de se taire sur le Munkar, cela, tu dis c'est leur problème, cela ne me concerne pas. Non. Et également, Cheikh Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, dit que ce hadith en lui-même, le fait de blâmer les gens lorsqu'ils font un acte blâmable, cela n'est pas à croire ou à imaginer comme le font les koufars, qui est de se mêler des affaires des autres. Car les koufars, et chez les munafiqins, cela est connu. Par exemple, demain, quelqu'un il est en train de faire un acte blâmable dans la rue, tu blâmes et dire que de quoi tu te mêles. Hein? En quoi ça te regarde? Fais ta vie, va te dire. Laisse-moi tranquille. Bah toi, le fait que tu l'aies blâmé, tu l'as réprimandé au conseiller, toi, tu n'es pas une personne qui rentre dans ce qui ne te concerne pas. Cela te concerne. Devant tes yeux, quand le hadith dit Man ra'a minkum munkara, celui qui a vu d'entre vous un mal, tu l'as vu le mal, donc tu dois le blâmer en mesure de tes capacités. Et ne pas faire attention à ce que ces ggens disent quand ils disent ouais, toi, mets-toi de tes affaires. Tu dis c'est mes affaires, justement, c'est mes affaires, j'ai vu un blâmable, je dois le réprimander. Mais une fois qu'il n'a pas écouté, laisse-le tranquille, fais ta vie, laisse-le tranquille tout seul. Donc ceux qui disent ça, que c'est se mêler de ce qui ne regarde pas, ceux-là, les gens de l'islam sont soit des ignorants, soit des munafiqins, comme dit Cheikh Fawzan. C'est les munafiqins qui disent ça. Et également, ne pas prendre le hadith d'Abu Huraira, qu'on a pris au début du cours, qui est Min husni islam emmer'i tarku ma la ya'ni. Parmi la bonne séance de l'islam de la personne, qui te délaisse ce qui ne le regarde pas. Cela te regarde, comme nous l'avons dit. Attention, cela te regarde. Le mal devant tes yeux, que tu es en mesure de changer, cela te regarde. Donc ne pas prendre le hadith, le sortir hors contexte. Yaqul Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا أرادوا المنكر فلم إذا رأوه إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعممهم بعقاب منه. Donc Abu Bakr Siddiq dit: Ô vous les gens, certes, vous lisez ce verset et vous le mettez hors contexte, c'est-à-dire le verset que nous avons dit auparavant. Car j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que si jamais les gens voient le mal devant eux et ne le changent pas, Allah sera sur le point de les prendre également dans son châtiment. Regardez, cela amène à dire quoi ? Que cela contredit tout ce que ces gens disent. Cela ne me concerne pas, cela ne me regarde pas. Cela te concerne, car tu risques également d'être touché par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا حديث صحيح الأمر بالمعروف يكون بدليله وإلا فقد تظن المنكر معروفا والمعروف منكرا فتسير الأمور مخلطة عليك. Donc également ce hadith est authentique, la parole d'Abu Bakr, et que l'interdiction du blâmable, ou plutôt l'obligation, l'appel au convenable, cela se fait avec la preuve. Car il se peut que tu vois une chose blâmable alors qu'elle ne l'est pas, ou le contraire, une chose bonne alors qu'elle ne l'est pas. Donc attention, il faut que tu aies une preuve de la législation. Il faut avoir une preuve, hein, de la législation. Par exemple, une personne, justement une personne qui, l'exemple de rentrer dans la mosquée avec les chaussures, comme on le faisait à Demedj, si quelqu'un venait et blâmait un frère qui rentrait avec des claquettes propres, des chaussures propres, dans la mosquée, et qui se met à le blâmer, comme on le voyait, ben lui, ce qu'il aura fait, c'est une erreur. On dit, attention, non, ce que je fais, c'est sunna. C'est toi qui ne sais pas. Et ainsi de suite. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, al-kalb al-mankous, la yunkilu munkara, wa ri'alifu ma'rufa, ilayma ushriba min hawa. Donc il dit, dans le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au cœur retourné, au cœur malade, qui ne blâme aucun blâmable et qui ne reconnaît aucun bien, si ce n'est ce que son cœur a pris comme passion. C'est-à-dire, le bien qu'il arrange, il le prend. Et le blâmable qu'il arrange de blâmer, il le blâme. Quand ça l'arrange. Comme par exemple, lorsque les Hizbi répliquent aux autres Hizbi. Quand ça les arrange, ils vont le faire. Sinon, ils vont se taire les uns sur les autres. Ben là, à ce moment-là, sa niya n'est pas de faire un kal munkar. C'est juste qu'il a une maslaha derrière. Et n'a intérêt à parler sur un tel. Là, il va le faire. Mais cela dépend celui du hadith. Juste parce qu'il a un intérêt derrière. Celui-là, il a le cœur malade. وَكَمْ مِنَ النَّاسِ إِلْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ الْحِزْبِيَّةِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ الْحَقِّ إِلْتَبَسَ عَلَيْهِمْ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ فَالنَّسِيحَةُ النَّسِيحَةِ بِالْجِدْ وَالِاجْتِهَادِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَا سِيَمَا أَنْ تَدَعِي إِلَى اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي يَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc il dit combien de gens ont été sont rentrés, ont été confus par la Hizbiya, hein, qui n'ont pas réussi à discerner la Hizbiya, qui n'ont pas réussi à discerner entre la vérité et le faux. Donc prodiguer le conseil avec sérieux, et également l'ijtihad dans la recherche de la science, surtout du fait que toi tu es une personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le sens, dit cela est mon sentier et j'appelle Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et subhanallah, je ne suis pas du nombre des mushrikin. Wal maqd ici, zakaru anna al-wali qala lahu ha'ula an-nas kulluhum ala dalalatin wa anta ala sawab, fa qala lahu na'am. Et lorsque le maqd ici, comme l'histoire lui a été racontée, qui a été racontée dans sa biographie, qu'il a été convoqué par le gouverneur du fait qu'il contredisait le madhab de tous les savants du lieu où il était. Donc il les a tous appelés et il dit, le gouverneur lui a dit, toi tu es sur la vérité et tous ces gens-là là autour de toi sont sur le faux. Il a dit oui. Et de là il a été banni. Donc c'est une chose pour dire que ne crois pas que le grand nombre est une preuve. Tu peux être sur la vérité tout seul, faut que tu restes ferme et tu le dises clairement. Oui j'ai raison, ils ont tous tort. Oui j'ai raison et ils ont tous tort. فهذا والله لأنه متبصر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال تعالى ماذا بعد الحق إلى الضلال. Donc du fait que cet homme, le Maqdisi, était sur la vérité, car il était sur la clairvoyance et sur la science du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme dit Allah dans le sens, et qu'y a-t-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement. Donc celui qui a la science peut avoir tout le monde autour de lui contre lui, Inch'Allah, il reste ferme, car il sait qu'il a raison. Wa qala, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim. N'aura-t-il pas suffi que nous ayons fait descendre sur toi le livre qui est resté sur eux. Le livre qui est resté sur eux, du fait que les preuves leur ont été données. Abu Ismail al-Harawi قال غلدت علي غلدت علي سيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن دينك وإنما يقال لي اسكت عمن خالفك ومن أهل الأهواء فأقول لا فهؤلاء كانوا ولا قناعة وهم عارفون بالمنكر والمعروف فهناك منكرات لا يعرفها إلا أهل العلم وطلابه ومنكرات شهيرة يعرفها القاصي والداني والصغير والكبير وألف في ذلك النحاس رحمه الله تعالى كتابا حافلا في تنبيه الغافلين. Donc il dit, Abu Ismail al-Harawi dit que l'épée m'a été dégainée 5 fois, non pas pour que je dise que je revienne de ma religion, mais pour que je me taise sur ceux qui m'ont contredit parmi les gens des passions. Et je ne me suis pas tué. Car ces gens-là, comme le Shir cite, ces gens-là étaient sur la certitude et sur la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des choses blâmables, qui ne sont connues qu'auprès des gens de science et des toulèbes, des étudiants. Et d'autres choses blâmables qui, elles, sont connues et répandues de tous. Et le Nahas, il a écrit un livre profitable sur ce sujet. Et il dit, إِنَّوْ يَجِبُوا عَلَى مُتَاعَةِ الْكُؤُوسِ أَنْ يُنْكِرَ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدِ أَفَّمُوا عَلَى شَرْبِ الْخَمْ وَلَا عَدَمِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ يعني شربة الخم يكون آثماً على شرب الخم ولا عدم الإنكار المنكر لأنه من منكر عند الجميع عند جميع المسلمين. Donc il dit dans ce livre que par exemple les ivrognes lorsqu'ils sont dans un bar qui boivent ensemble, d'accord, et bien celui qui boit, il lui est obligatoire de blâmer celui qui boit devant lui. Pourquoi? Car ils ont commis déjà le péché, d'une première part, d'avoir bu de l'alcool, et deuxième péché, qu'ils n'ont pas blâmé le blâmable. Donc malgré qu'ils boivent, l'obligation reste sur lui qu'il blâme celui qui boit l'alcool devant lui. Amma qawlun nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi rajul allazi tandaliqu aqtabu batnihi yuqalu ma laka qala kuntu amiru bil ma'ruf ولاته وانهى وانهى عن المنكر واته وقال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وقولوا تعالى وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه وقولوا تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Donc il dit également dans le hadith de cet homme qui a été mis au feu dont les boyaux pendait de son ventre, et lui fut dit, ô Atel, n'étais-tu pas de ceux qui interdisaient le blâmable et ordonnaient le convenable? Il dit, si je le faisais, cependant, j'appelais au blâmable, j'ai interdisé le blâmable et je le faisais, et j'appelais au convenable et je ne le faisais pas. Et également dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, est-ce que vous ordonnez les gens à la piété et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre, n'avez-vous donc pas de raison? Et dans le sens, il dit également, et dans sa parole également dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? فهذه الأدلة فيها ذم من يقول ما لا يفعل وهو آثم إلا أن الإثم يزداد عليه بعدم إنكار المنكر. فعلى هذا العاصي يجب أن ينكر على العصاة والحزبي يجب عليه أن ينكر على الحزبيين. والانتخابي يجب عليه أن ينكر على الانتخابيين، وصوفي يجب عليه أن ينكر على الصوفيين، وشيعي يجب أن ينكر على الشيعيين إلا لأفهموا، لأنهم أنكروا المنكر. كل صاحب منكر يجب عليه أن ينكر على غيره من أصحاب المنكر، وأصحاب البراءة الذمة يجب أن يخطب بعضهم في بعض منكرين. كل واحد ينكر على الآخر من أجل أن يخف عليهم الإثم عند الله عز وجل. Donc il dit une chose surprenante mais qui est réelle, c'est qu'il dit que cela, les preuves citées, démontrent qu'il est obligatoire, d'accord, d'interdire le blâmable. Déjà, premièrement, qu'il est blâmable de faire ce que tu ne dis pas, plutôt de ne pas faire ce que tu dis, ou le contraire. Et ton péché s'accumule et s'accroît et augmente du fait que tu n'interdis pas les autres de le faire. Par exemple, demain, tu bois de l'alcool. À la base, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Mais tu bois quand même. Et d'autres gens le boivent avec toi. Comme cela a été dit au début du hadith précédemment. Et bien toi, tu prends le péché de boire de l'alcool. Et si tu te testes pour les autres qui boivent de l'alcool également, tu prends le péché pour ton silence. Donc c'est un cercle vicieux. Tomber dans le péché et se taire dessus, pour cause que tu l'accomplis soi-disant, donc tu ne peux pas le dire aux autres, non, cela est une pensée, une réflexion erronée. Et alhamdoulilah, on a déjà évoqué le sujet dans un hadith précédent, par rapport à ça, que le fait que tu fasses un mal ne doit pas t'empêcher de l'interdire aux autres. Plutôt, cela doit t'inciter à délaisser toi pour être crédible, pour être, que ta parole soit crédible auprès des autres. Mais, quoi qu'il en soit, tu dois l'interdire aux autres. Donc, il dit de là que celui qui fait des péchés et des désobéissances, il est obligatoire d'interdire les autres de faire des désobéissances. Que le hizbi doit blâmer les autres hizbiyins comme lui. Que celui qui appelle aux élections doit blâmer ceux qui appellent aux élections comme lui. Que le soufi doit blâmer les soufis comme lui. Que le chiite, c'est-à-dire le chiite, doit blâmer les autres chiites comme lui. Sans quoi, ils auront tous commis le péché. Déjà le péché de leur bid'a, et plus ce péché de ne pas avoir interdit les autres de tomber dans cette bid'a. Donc chaque personne qui a commis un mal et qui est déjà inclus dans ce mal doit interdire aux autres de faire ce mal. Lui-même premièrement, mais aussi les autres. Ne pas se taire. Cela n'est pas permis. Non. Donc de là s'achève le char de ce hadith, qui est un hadith énorme dans le sens qui appelle à que celui qui voit un mal de ses yeux, ou même qu'il entend ou quoi, qui est en mesure de le changer de sa main, alors qu'il le fasse. Que si jamais il est en mesure de, et qu'il ne peut pas le faire par sa main, alors qu'il le fasse par sa langue. Et que s'il ne peut pas par sa langue, alors qu'il le fasse par sa main. Par son cœur, afin qu'il le blâme dans son cœur. Et cela est le plus bas niveau de la foi. Donc ce hadith également est une réfutation à ceux qui disent que certaines catégories de personnes peuvent parler en certaines situations. Non. Toute personne qui est en mesure de parler en certaines situations doit le faire. Celui qui est en mesure de le faire doit le faire. Mais doit le faire correctement. Il doit le faire correctement. Non. Sans quoi, le châtiment englobera l'ensemble des personnes. Et parmi le fait de blâmer le blâme, de blâmer le blâmable dans son cœur, comme le dit Shirin Fawzen, il ne suffit pas d'aller dans un lieu de mal, de rester là et de dire, moi dans mon cœur, j'aime pas ça, et tu restes, non, tu dois partir. Si tu n'arrives pas à leur parler, et tu n'arrives pas à changer par ta main, alors au moins ne reste pas avec eux. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans ton cœur, ressortir dans tes actes. Tu devras partir. Tant que c'est pas un truc de daroura, par exemple, je sais pas, demain tu vas dans un lieu obligatoire, et il y a la mixité, de la musique, ce genre de choses, c'est sûr tu ne pourras pas partir. Par exemple, demain tu vas faire ton passeport, tu vas à la mairie, il y a des femmes. Ou il y a un fond sonore musical, par exemple. Tu connais, il y a des enceintes en haut et à droite et à gauche. Dans toute la mairie, par exemple, il y a une petite musique derrière. Toi, tu ne pourras pas la faire arrêter. Et si tu pars, tu n'auras pas ton passeport pour faire ce que tu as à faire. Donc là, à ce moment-là, oui, tu es contraint de rester. Dans ton cœur, tu détestes. Mais dans les situations où tu peux changer et partir, il n'est pas obligatoire pour toi de rester là, alors tu dois partir. Hein? Alors tu dois partir. Donc, بيد القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.